Fondation Entier, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Il n'est pas absurde d'être contre le fonctionnement d'une société qui agit dans le mensonge pour favoriser une minorité parasite. Page officielle anti-SACEM. 2014. À quoi sert la Fondation anti-SACEM? Quel est son rôle? 1. Rassembler toutes les informations qui montrent les abus de la SACEM et consorts. 2. Se proposer observateur public indépendant de la SACEM et consorts pour empêcher ces abus, fraudes, escroqueries, acquisitions malhonnêtes, dissimulations, extorsions, etc. 3. Disposer de la position sociale nécessaire à l'action correctionnelle, contrariant les abus de droit d'auteur et de copyright, appropriation privée d'œuvres et de biens communs, obligation de rendre l'argent dérobé, obligation au remboursement des extorsions, obligation à rendre ses comptes annuels publics sans dissimulation, avec d'autres observateurs publics indépendants d'experts comptables. 4. Faire reconnaître l'importance suffisante ou l'autorité nécessaire à cette observation et ce contrôle, quand les musiciens vont se rendre compte de la nécessité d'une telle organisation. Pour l'instant, depuis 11 ans, les auteurs et compositeurs en majorité semblent satisfaits de la situation actuelle d'escroquerie et d'extorsion illégitime banalisée, dont ils ne sont pas bénéficiaires, généralisée et anonymisée, dont les petits commerçants et associations culturelles sont aussi les victimes. 5. Aujourd'hui, 2014, la SACEM est une organisation mafieuse, extorsion, menace, escroquerie, soutenue par le gouvernement, l'État et la majorité des 130 000 artistes, auteurs et compositeurs inscrits. Anti-SACEM existe pour changer cet état de fait. Depuis 2003, dévoilement des principes d'exploitation, du droit d'auteur et du copyright, dont auteurs et compositeurs ne sont pas protégés, mais complices d'une répression à péage à cause des abus des droits d'auteur. La Fondation anti-SACEM demande une réforme en profondeur de la SACEM, en la suppression totale de son exploitation actuelle, afin que soit rééquilibré respect avec paiement. Mr. Shadowski. Depuis 1980, je suis compositeur sociétaire de la SACEM et je mets en doute les fonctions de la SACEM pour le service de la musique et de ses créateurs. Introduction. À quoi sert le droit d'auteur? Le droit d'auteur sert à l'instauration d'un péage pour la jouissance d'une œuvre estimée avoir une propriété intellectuelle, c'est-à-dire appartenir exclusivement à son créateur ou à ses tiers, famille et barre oblique ou acquéreur. Les droits d'auteur se marchandent aussi. Pour qu'une propriété intellectuelle soit acceptée par les sociétés d'auteurs, l'œuvre doit prouver son originalité et son unicité, elle ne peut pas être une copie ou un duplicata ou une similitude. Voici le paradoxe des droits d'auteur, l'œuvre originale doit être unique, bien qu'elle soit conçue avec un matériau commun et reconnaissable dans son originalité. Si une œuvre est originale, elle ne peut être reconnue pour être copiée et duplicable à l'infini, ceci afin d'être vendue en un plus grand nombre d'exemplaires possible. Est une justification au péage de la propriété privée d'une œuvre publique. Le droit d'auteur génère des propriétés privées interdites à l'accès libre du public, mais qui lui est destiné. Sans public, pas de droit d'auteur. Le comble du droit d'auteur est d'utiliser la violence policière et militaire contre ceux qui ne paient pas, la jouissance supposée de l'œuvre privée pour le public. Le paroxysme du droit d'auteur est que moins de 20% des auteurs inscrits dans des sociétés d'auteurs dans le monde gagnent leur vie avec les droits d'auteur. Le droit d'auteur est un générateur d'inégalités et de misère pour ceux qui ne peuvent pas payer, comme les pays du tiers-monde. Le droit d'auteur devrait être aboli pour un accès libre au champ public, relèvent pas du domaine qui est une propriété, comme avec les semences, les médicaments, les modifications du vivant, les espaces publics, les œuvres, les technologies de contrôle, tout objet produit, et tant d'autres choses. Le droit d'auteur génère l'inégalité, non en fonction du talent, mais en fonction de l'investissement financier soutenant la médiocrité, que la bêtise cultivée achète plus aisément pour entretenir la misère. Enfin, le droit d'auteur dans son excès et son abondance censure la créativité et prive les nouveaux créateurs de tout moyen de diffusion. Par manque de place, les morts restent des propriétaires dépouillés. Le droit d'auteur dans son invasion est devenu une censure à la création originale vivante et dangereuse pour la santé publique de la communauté humaine, voire pour sa survie, et un frein à l'évolution de la connaissance et de l'intelligence. Précision. Le droit d'auteur génère l'inégalité, non en fonction du talent du compositeur, mais en fonction de l'investissement financier et de la distribution, autrement dit, de la vente mondiale de l'œuvre et de son financement publicitaire. Le choix de l'œuvre plébiscitée n'est jamais du choix des consommateurs, ni du compositeur, mais du distributeur. Le « matraquage » d'une chanson n'est jamais du choix des auditeurs, ni de la radio, mais des investisseurs-distributeurs qui paient. Le pouvoir est entre les mains de ceux qui paient, donné par ceux qui veulent être payés. Les chiffres des publications des meilleures ventes sont toujours manipulés en fonction du bénéfice désiré. Soit élue par un affairiste, il faut qu'elle puisse être rentable, et sa rentabilité se trouve quand l'affairiste s'est approprié les droits d'auteur et le copyright de l'œuvre. Universal, EU, Warner, EU, EMI, UK, Sony BMG, Japon, Allemagne, forment l'oligopole de la distribution de la musique enregistrée, avec Apple aujourd'hui, et aussi du cinéma dans le monde avec la MGM, EU. Et toutes les œuvres de leur catalogue cinéma et musique, les créateurs sont démunis de leurs droits d'auteur en échange de réaliser leurs films ou leur musique quand ils contractent avec un gros distributeur. Les autres n'ont rien. Le fantasme de pouvoir faire voir le même film ou faire entendre la même musique n'importe où sur la planète à quelques mois d'intervalle est dirigé l'artiste et le moteur de l'industrie de la musique et du cinéma. Mais Internet devrait changer la donne, car c'est la gratuité qui est devenue payante. C'est de cette guerre dont il s'agit en ce moment, les oligopoles avec l'aide des pouvoirs publics contre les artistes. Enfin, le droit d'auteur, dans son excès et son abondance de bénéfices, destiné aux oligopoles et non aux artistes, censure la créativité et prive les nouveaux créateurs de tout moyen de diffusion autonome. Le réseau de distribution des magasins de disques et des salles de concert interdit l'accès aux artistes qui ne remplissent pas la salle et ne vendent pas de disques, autrement dit des artistes sans poids public, qui ne sont pas exploités par la grande distribution, car sans propagande. Dans la presse vendue à la meilleure offre. Le droit d'auteur est devenu l'expression de la censure économique. Une table vendue et manipulée de l'artiste. Le droit d'auteur est devenu de ce fait un outil de censure à la création originale des artistes vivants, car le mépris des affairistes pour les consommateurs qui paient cher pour consommer la médiocrité est sans limite. L'avidité pour la quantité, la profusion de l'abondance contre l'attention pour la qualité de la rareté.